بسم الله الرحمن الرحيم. Le site damajfr.com vous présente une série de cours tirés du livre Al-Madina, c'est-à-dire de Médine. Tome 3, cours dispensé par le frère de mérite Abu Taymiyyah Khalil Al-Martiniki wafaqahullah Dar Al-Hadith Bidammaj. 21e leçon, deuxième partie. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa la ahli wa sahbi wa man ittabahum bi ihsanin illa yawm al-din amma ba'd. نأخذ الأسئلة أولا. يقول عما يتساءل الطلاب؟ يتساءلون عن الامتحان كيف يكون. نعم. لماذا تثاءب أبو بكر؟ لأنه متناول الدواء المنوّل. لأنه إيش؟ متناول يعني سوري. لا تقول تناول، هنا ما في شيء يدل على الاستمرار. النص كان فعلا ممكن مرة واحدة، أما اسم الفاعل يدل على الاستمرار. تقول تناول في الماضي فقط. لأنه تناول. نعم. الدواء المنوي. نعم. ثالثا، ماذا يقول عباس لحامد وماذا يقول حامد لعباس؟ حبس قال لحامد يا أعور، وقال حامد لعباس يا أعرج. رابعا، ما التنابز؟ لماذا سماه الله؟ في أي آية نهانا الله عنه؟ التنابز هو أن يدعو بعضا بلقاب السوء، وسماه الله فسوقا. نهى الله في سورة الحجرات. ما فكرة مسعود؟ قبل المدرس هذه الفكرة. فكرته هو تعلم طريقة البحث عن الكلمات في المعجم. ونعم ساعة المدرس. ما الباب الذي أخذناه من العوذان في درس الماضي؟ تفاعل. ومن معاني تفاعل ما هو؟ المشاركة والإظهار ما ليس في الباطن. في الباطن. طيب. فخصمرة. نعم. في استخرج من الدرس الأفعال الواردة في من باب تفاعل. تتساءلون. نعم. نتساءل. تعاون وتتكاسل. تناولت. كم؟ يعني الفعل. فعل. الفعل بس. السطر اللي فوق. تتساءل. نعم. تناولت. يتشاجران. يتشاجران. تنابزوا. يتنابزوا. أن يتنابزوا. يتصافحان. تتمارض. لا خرج. لا هذا فقط اليوم. ثم أخذنا لا نفي الجنس. ما هي؟ أدلة ما عملها وما شروط عملها الجمع شروطها يكون اسم أولا ما عملها عمل لا نهي ينصب الاسم الذي بعد وتفيد يعني ال يعني ال جوبي ان عربي de le fait de la négation de la du jeans كذلك تفيد الجنس كل فرد من افراد الجنس من الاسم وشروطها أن يكون اسمها ذاكرة و يعني يأتي مباشرة بعد اللعب وإلا الشخص لم يأتي بعد المباشرة بعد المباشرة ولا بدون تقرر تكرار بدون تكرار. طيب وإذا سقط شرط من شروطها ماذا يحصل؟ ماذا يحصل؟ لا ينسب الاسم. طيب ما يعرف الاسم كيف يكون بعد؟ ومرفوع. نعم مبتدأ. مبتدأ. وإذا يجيب إذا جاء فاصل بينها وبين اسمها. يجب تكرارها تقول لا في فصل رجل ولا امرأة. طيب نواصل تقول عاشرا كلمة أعرج وتر مؤنثه عرجا روز فعلا هب عرجاء على وزن فعلاء وجمعها غرج على وزن فعل. تقول هذا الرجل أعرج هذه امرأة عرجاء وهؤلاء الرجال غرج وهؤلاء النساء غرج. والألوان نفس الشيء أسماء الألوان الكولور يكون نفس الشيء. يقول أنث واجمع الكلمة الآتية على هذا الغرار أبكم كيف يدير ذا و... نعم أبكم مؤنث مؤنث أبكم بكمة نعم وجمع بكم نعم أخرس نفس معنى أخرس خرس خرسة نعم أو خس أعور بعض أعور أورا نعم وعور نعم عور أعمى أعمى أمياء أو أمياء أمياء وعمي نعم أحور يعني الله دي غونجي نوار اجلس حورة وحو حور أيوة كتكون عيد حرود عين سيكون غونجي نوار أحول qui veut dire loucher. Il y a quelqu'un d'Achol, c'est quelqu'un qui louche, qui a un strabisme. Ahwal. Mouannathou. Ahwal, Hawla, Wa Jem, حول نعم حول الصم الذي ما يسمع سوق صم صم صم أيوة صم وسم أحمر حمراء وحمر أصفر صفراء وصفر أسود سوداء سود أبيض بيضاء نعم والجم هو خاص بيد بيد بيد الجم كما سيأتي بعد أصلا هو بويد بويد لكن لأجل التناسب بين الحركتين وبين الضمة والياء هذه غيرت الضمة إلى ياء تقول بيد وعين عينا وعين نعم عين مع الأحور عندي غوجو نوار فغالب يعني غالب اسم العيوب هكذا على هذا الوزن النون دو ديفو سوف غير كمسة على وزن افعال وكل هذه الاسماء ممنوعه من الصرف كما ستاتي ان شاء الله كل هذه الاسماء ممنوعه من الصرف يقول ابيض جمعه بيد بالكسر واصله بيد بالضم طيب هذه عشاء يقول ثقة ثقة هذا المصدر وثقة وثقة savoir confiance وثقة وثقة يثق avoir confiance en ولو مصدر آخر بالواو وثوق المثال الواوي له مصدران فهمت في المثال الذي فهو واو أو حرف علة إلى دو مصدر أحدهما بالواو والآخر بغيرها دونك لان دي مصدر avec un واو et l'autre مصدر y'a pas de واو يقول حد المصدرين من الأفعال الآتية دونك دون دو مصدر دي vers suivant وصفة tu veux dire décrire وصفة صفة نعم أو وصف نعم وصلا كي يجي arriver وصلون وصلا لا ما في واو صلاتون صلة على وصف على وضع له صلاتون أيوة والثاني والوصول نعم وعضى يجي يسمونه و... وعضى عضى نعم و لا نفس وزن او او فعول او علا وعوز وعد قمت وعرتي وعرتي وعرتي وعوز وعد نعم وهبة شوية دوني نعم وهود أو هيبة نعم وصمة يعني ينتج العلامة على شيء في ماركي نشوف في الماركة نشوف سيماتون أو وسوم نعم وزنة وزيد نعم وزون أو زينة طيب ثاني عشر يقول تجمع حجرة يعني شوم هو بصمان على حجرات بالضم الجيم بعد ما كان الجيم الثانية مكسورة ساكنة جعلناها مبضومة في الجم لكن الجم مؤنث سالم الجم مؤنث سالم تكوبونت كل جيم مؤنث سالم دي فوا سي فوسامون اجوت ان الف ان تي دي فوا ميم دي حركات comme sajda طيب لا c'est pas ça sajda tu veux dire sajadat tu vois sajda me fait le signe il est sakin quand tu vois deux mots salim tu dis sajadat tu mets pas ça مثلا وصفحة نفس الشيء تجي صفحات يكون الجمع الأسماء الآتية هذا الجنس غرفة غرف شو هذا جمع فاعل غرفات نعم شرفة شرفات خطوة خطوات نعم شرفة سي بوا سي خطوة سي با سي بوا تمام فايز عشرة كورس أعوذ بالله أن أكون من الكاذبين je recherche quoi que je prête à Allah d'être parmi les menteurs أصله أعوذ بالله من أن أكون من الكاذبين لأن بعض الأفعال هي متعدية بحرف جر كما قلنا في بعض معاني فنعوذ العياذ تعوذ بشيء من شيء tu recherches refuge d'une chose نعم يقول كما تقول أعوذ بالله من الكذب طيب je recherche refuge auprès d'Allah du mensonge يقول يجوز حذف حرف الجر قبل المصدر المؤول يعني الوضع من حرف الجر quand tu as un مصدر المؤول c'est-à-dire un verbe où il y a un qui rentre dedans يجوز أن تحذف حرف الجر تقول مثلا أمرنا الله بأن نصلي الله nous a donné de faire la salat أو ستقول أمرنا الله أن نصلي tu peux dire بي ou ça لأن أمر أنا أمرك بكذا je t'attends de faire telle chose أصلا أمر donner un ordre il peut être متعدي بي حرف جر بي تمام et donc quand tu as un et un verbe qui vient derrière ce حرف جر tu peux l'enlever quand tu as مصدر مؤول في حرف الجر تبلون به يجوز طيب الآن ثم يكون في رابع عشر يتعرض الدرس بالبدل البدل وهذا من التوابع البدل من باب التوابع من الشوز كي سويب كي فرني الله بسو كي سويب يدخل يا الله مدبوعي والبدل يعني en arabe c'est une sorte de remplaçant vous voyez un remplaçant c'est à dire tu cites une chose et tu cites le remplaçant qui revient à lui ou il est lui-même ou une partie de lui ou une de ses caractéristiques ou tu as fait une erreur comme ça va venir inshallah et il prend son irlam il prend son irlam c'est un akoul ja'a Omar akhouka جاء عمر أخوك وكنا عمر سنكوى سنفاعل وأخوك سنبدل عفت أخوك سكي سعمر نقول يا رب نقول يا رب بدل لعمر مرفوع على طرفية الواو يكاكا بجي بقى سبال صفة صفة على بس سنقف مشتق صفة لا لا لا لا لا تسمع الصوت إما تلعبونا من هنا أما الجليلة صفة en général c'est des اسم مشتقة اسم فاعل اسم مفعول صفة مبالغة وكذا وكذا وكذا quand tu vois اسم جامد كذا qui n'est pas une صفة qui n'est pas un اسم مشتق اسم علم اسم علم ou أخو مثلا أخو c'est pas اسم علم ou شيخ ou des choses comme ça tu vois الغريب أنها تكون بدلا souvent c'est des بدلا elle suit quelque chose والبدل يكون في الأسماء كما يكون في الأفعال وفي الجمل قد تكون يعني الجملة لها بدل جملة بدلة والفعل واحدة قد يكون هو فعل آخر بدل منه ليس خاص طيب ما هو خاص بالأسماء مثلا يقول نتساءل عن الامتحان كيف يكون هنا كيف يكون بدل من الامتحان بدل من الامتحان لماذا عن ماذا يتساءل؟ امتحان. Donc ce tasa'ul, le questionnement c'est quoi? كيف يكون. Donc en fait on voit que كيف يكون c'est la même intention que l'imtihan. C'est ça qu'il veut savoir. فمن هنا الجملة كيف يكون هي في محل جر بعدين عن امتحان. بعدين عن امتحان. مثلا يقول في التنزيل يسألونك عن الساعة أين مرساها. فهمت؟ فالآن أين مرساها على استفهام بدل ماذا من الساعة. هنا أين معنى متى. أين هنا معنى متى. فهنا cette question là أين مرساها revient à quoi? À ça. C'est la même chose pour les deux. Donc le badel, c'est le remplaçant, et l'autre c'est le mubdel minhu. Celui qui était remplacé. Le mubdel minhu. Comme le na'at et le man'out. Le badel, c'est le mubdel minhu. Et là, donc ça serait ça. Mubdel minhu. Et le badel, c'est ayyana mursa'a. Il y a une jumla, la jumla simia là, qui m'a hal. جار بدل من ساعة. هي كمان من فراز لا تخرج هنا تاخذ نظر وما را كيف تفعل كيف تجي اسمها بعد القريب ما في شيء لكن هنا بدون الفرق كذا وهي ولا جري مفهوم. Il est marou. Tu peux aller voir. Ouais. طيب. يقول البدل أربعة أنواع. Quelle catégorie? وهي هذا في البدل في الأسماء. ها طيب. هذه الأنواع في الأسماء. يقول بدل الكل من الكل وما ضبطه أن يكون البدل نفس أو عين المبدل منه. C'est que le badel il est entièrement la même chose que le badel. مثلا نجح أخوك محمد فهنا نجح في الماضي مبني على فتح لا محل له من الإعراب. أخو فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لنوم الأسماء الخمسة وهو مضاف كيف مضاف إليه. ومحمد بدل من كلمة أخو أي مرفوع مثله لأن محمد من كلمة محمد نفس أخو نفس شخص فهذا هو البدل الكل من الكل. ثانيا بدل البعض من الكل معنى أن يكون البدل جزءا من المبدل منه إلى بارتي للمبدل. مثلا أكلت الدجاجة نصفها. أكلت الدجاجة نصفها j'ai mangé le poulet sa moitié. فهنا أكلت في الماضي من السكون الاتصال بالضمير. وتا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع. والدجاجة هذا مفعول به خلاص يجي الدجاجة مفعول به ونصفها نصفها هذا بدل من دجاجة. طيب فهو منصوب مثله لان النصف النصف ده كوا طيب دونك النصف هي بارتي دو دجاجه دونك هذا بدل البعض من الكل اللي هي بارتي دو مودل. ثم ثالثا نقول بدل الاشتمال معنى أن يكون البدل مثلا صفة من صفات المبدل منه. مثلا تقول أعجبني هذا الكتاب أسلوبه celui qui m'a beaucoup plu, c'est-à-dire son style. Fauna et Nashahin, Uslubuhu. Ouama Badel bin Akitab. Un Uslub, c'est une sifa du Kitab. Quand je dis sifa, c'est pas sifa qu'on est à l'homme. C'est une ma'ana. Allez. C'est un Badel. C'est Nakul, A'jabani, Zaydoun, Ilmuhu. Et on a les mais là, tu en pourrais pas, c'est un sifa ou slobo. Là, tu viens là, c'est le maïakoun sifa. Cependant, au slobo, c'est l'une des caractéristiques de ce livre, son style. Warabian yakoun, al-baden et moubeyi. On lui s'en va dans le koutoum, baden la gorat. Oui, ça m'a aidé à faire une loi en arabe, c'est un lisan. Quand tu dis une chose que tu ne voulais pas dire, en fait. Tu avais une nia dans ton cœur, mais en parlant vite, par exemple, on dit que ta langue t'a devancé. Ça ne se dit pas en français, tu vois. Déjà, par exemple, tu veux dire. À deux pays, je dis cela. مثلا تقول جاء زيد تكتب جاء محمد تقول جاء زيد محمد مثلا ماذا محمد سيكون ماذا بدل بين او بدل غرض سنغه تلمت ديفونس تي ولي دير محمد تدي زيد. وفي هذا الباب النوحة قالوا الأفضل في هذا الحال أن تستخدم كلمة بل حرف عطف تقول جاء محمد بل زيد فبلتو فهمتني هذا الأحسن لماذا حتى لا يحصل خطأ في الصفة لو قلت لك جاء Mohamed, c'est quoi Al-Himar. Tu veux dire que l'âne il est venu, mais ton père t'a dit Mohamed. Quand on te dit ça, dis Mohamed, Al-Himar. Tu vas croire que quoi? Que Al-Himar, c'est le sifat de Mohamed. Alors toi, tu veux dire non. Je voulais dire Al-Himar, il est venu en fait. Hein? Il dit. Voilà, il y a Yassou Kassir. Il me fait te calmer. عندك قصد في كلامك نية في كلامك لكن لسانك سبقك فقلت كلمات غير التي كنت تريد وهذا إذن كذلك تجي تشبار إذن la vitesse ou peut-être t'es inattentif un moment t'as dit un mot alors c'est pas ce que tu voulais dire t'as dit une nية tu sais ce que tu voulais dire mais t'as dit un autre mot je sais pas comment ça s'appelle ça en vrai quand ça arrive mais surtout qu'il arrive fréquemment chez l'être humain peu importe ça arrive. Tu dis, ouais, tu m'as dit ça et tout, tu m'as dit que Mohamed était là. Je dis, Mohamed. Ah, excuse-moi, je veux dire Zaid en fait. Lapsus. Non, lapsus, c'est plutôt un petit propos. Non ouais, c'est vrai, c'est genre. C'est une chose qui peut t'embrouiller. Je crois que lapsus, c'est. Mais bon, peut-être on peut dire lapsus. Et ça, apparemment, c'est une des choses qu'ils ont voulu attraper chez Yahya avec. Ça arrive à tout le monde, tous les relèvements, tout le monde le fait. C'est pas Christian. T'as l'enquête devant, tu dis un mot que tu voulais pas dire. Et lui, il parlait de la fidèle de Uhud, dans la maraka de Uhud, qui est entre les Sahaba et les Koumouchekin, qu'ils ont fait des erreurs dans cette guerre. Ils ont pas obéi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il leur donne des postes et des choses à faire, et sans tromper, ils ont pas obéi à ce moment-là. Et le Chir, à un moment, il parlait de cette bataille-là de Uhud, et il s'est trompé, il a dit Badr. Mais tout l'adjilé que j'ai cité, les faits, c'était les faits de Uhud. Et l'autre dit Uhud, il a dit Badr. Et là, ils l'ont attrapé, les fuit. Oh, il dit que les Sahaba, ils sont trompés dans la guerre de Badr, la Kaza. Il n'y a jamais personne qui a dit ça avant. Tu vois? On dit, taïb, c'est une erreur de Shir, Zam. Mais regarde bien ce qu'il a dit, les faits qu'il a cités. C'est les faits de Badr ou de Uhud? On dit de Uhud. Donc c'est Uhud qui voulait. Mais en parlant, il s'est trompé, il a dit Badr. Mais lui, quand il parlait, il disait Uhud. Donc c'est pas la peine de faire un. C'est tout un. Exagéré, juste pourquoi? Pour donner à Shaya des erreurs. Tu vois? Qui passe le Sahaba. Encore. Sahaba fait dit. Et bien il s'appelle, c'est quoi? comment là il a mangé si le chat n'a rien. Parce que c'est une erreur qu'il a fait. Mais c'est une erreur humaine. La preuve, regarde, même dans le coutume de l'aura, t'as ça. Badaïl et la gharat. Tu veux dire une chose, tu dis une autre chose à la place. La jari. انت لعبت تلعب بسكينه وليس ربطك بالعبابه et donc comme ils ont voulu inventer cette erreur là à Shayaha, il a fait comme c'était un truc énorme qu'il avait fait, parce que ça ne fait rien, mais s'il veut le faire tomber, et bien Obey il s'est fait attraper par la même chose. Je sais plus de quelle bataille il parlait. Ça c'est Badr. Ils n'ont pas fait tout un truc. Si, ils l'ont fait. Ils ont dit, ouais, qu'il a dit que les Sahabas sont trompés dans Badr, alors c'est jamais arrivé, il ment, et cada, et cada. En fait, il a fait une erreur pire que ça, lui. Et on sait que c'est la même chose. C'est pas Kélissane qui lui est arrivé. Mais il a fait pire que ça, lui, encore. Au moment où il parle sur Shayahia, regardez l'audio, on l'a mis sur le site. Il dit quoi? Ça, c'est sur la bataille de Badr, avec les prisonniers. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a consulté Abou Bakr et Omar pour savoir qu'est-ce qu'on en fait des prisonniers. Voilà. Il a dit quoi lui, Ubayd? Au lieu de dire le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allah. Allez, Allah, Azawajel, c'est un chara à Abou Bakr ou Omar. Que c'est Allah qui consultait Abou Bakr et Omar. On dit, regarde un peu ce que tu as dit comme énormité. Il y a l'audio, hein? On ment pas sur lui. Et on sait qu'il veut dire le Nabi. Et bien, sa langue, elle a dévancé, elle a dit Allah. Elle est stichara, elle est sifatillah. Allah, il ne consulte pas sa création. Tu vois? Allah, il ne consulte pas sa création, jamais. Comment? Allah, il consulte sa créature. Pour dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. C'est du couf, ça. Hein? C'est du couf. Et ben voilà, il s'est fait attraper à son propre piège. Donc là, après, on les a commencé, on a dit alors, déjà, quoi, ça embête maintenant. Vous n'allez pas le faire. Pourquoi? Parce que votre but, c'est pas protéger le sahaba, c'est pas vrai. Votre but, c'est quoi? C'est attraper le hadjouri. C'est tout. On sait très bien qu'il n'a pas voulu dire ça. C'est une erreur. Ça peut plus être. Mais on a eu pourquoi pour dire, regardez maintenant, comment ça peut arriver à n'importe qui, et Obey, ça lui arrive à lui-même. Tu vois, ça lui arrive à lui-même. Pour dire qu'à là, il mange ses créatures. Tu vois. Celui qui était Mazloum, à là, il le mange. Donc là, c'est ça de même pour dire que Badal Gharat, Yahsoum Kassira. Ça arrive beaucoup. Tu veux dire une chose, dis une chose à la place. طيب فهذا المثال يقول البدل مبين نحو اعطيني الكتاب عفوا دايما الليف الدفتر en fait tu veux dire اعطيني الدفتر tu as dit quoi اعطيني الكتاب donc après tu frappes tu dis الدفتر mais ce badel là en vrai par l'écrit tu ne peux pas arriver donc tu rayes le mot, tu enlèves le mot, c'est l'autre dit, c'est quand tu parles qu'il arrive, mais à l'écrit tu ne peux pas le faire. Si tu veux te dire bon, tu trompes, le mot tu le rayes. Oui, et puis ils sont pas qui parlent de. Ils peuvent avoir aucun rapport. Ils n'ont pas de rapport. Donc, comme Akulna, dit Mohamed, Al-Himar. Il n'y a aucun autre Mohamed Al-Himar. Quand tu veux dire Al-Himar, c'est dit Mohamed. Vous n'avez pas les mots sur la français des fois, t'écris une chose, au moment où t'écris, tu penses si tu penses à autre chose. Ben en écrivant, c'est toujours tu penses, tu vas l'écrire. Par exemple, tu penses à une ville, par exemple, et tu écris un frère dans une autre ville. Ben, ça l'aide, tu penses à Al-Medina, et tu écris un frère qui est où? Qui est Al-Kahira, au Caire. Et là, en écrivant, tu dis comment vont les frères d'Al-Medina. Ben, sur l'autre, tu pensais quoi? Tu veux dire quoi, Iran? Et comme tu pensais le Medina, t'écris le Medina, ça passe. Ça arrive souvent, ça. T'écris une chose, mais toi, ton esprit, il est fixé sur autre chose. Dans cette chose sur laquelle tu t'es fixé, tu vas l'écrire, sans t'en rendre compte. Et après, quand tu te relis, tu dis, pourquoi j'ai dit le Medina? Je parle de quoi, Iran? Et là, après, toi, tu corriges à ce moment-là. Ou des fois, tu n'as pas fait attention, tu envoies direct ton message ou ton mot, tu l'envoies, et tu n'as pas fait attention. Là, ça, il pourrait peut-être rentrer là-dedans. Mais en français, il n'y a pas de badem. Tu vois, en français, pas de Médina. Il dit, pourquoi tu parles de Médina? Je ne voulais pas faire de Médina. Je dis, en fait, je suis trompé, je veux dire quand même. Ouais. Et je coupe tout l'air. ثم يقول لا يشترط في البدل أن يطابق المبدل منه في التعليف والتبجير. Il n'est pas obligatoire Quel badaï? Comme le sifa par exemple, soit nakira, comme le mudabbinu, ou ma'rifa s'illah. Vous entendez? C'est pas obligatoire. Et ni qu'il soit moindre comme nous, ou un muzakkar comme nous, c'est pas obligé. Tu peux avoir un badaï muzakkar sur un mudab moindre, comme dans badaï al-ghurat. Ou tu peux avoir un qui est nakira et tu veux ma'alifa. Dans ça, tu dis Dja Rajulun. Tu dis Mohammed. Rajulun nakira et pas nakira. Et Mohammed, il est ma'alifa. Donc, c'est pas obligé qu'il s'accorde dans un genre ou même en nombre ou dans ce genre de choses. Yakul, wa yubdel el ism del ism. Tu peux avoir un badet de ism de quel autre ism. Ou el fiyab del fiyab. D'un verbe sur un verbe. Ou al jumla n'al jumla. Ou jumla n'al fard. Moufrad. C'est-à-dire d'une phrase entière sur un mot singulier. Tout seul. Comme on a cité là-haut. Hein? Et t'as ça, elle ou un l'imtihad, kayfa yakoun. Ouna, kayfa yakoun jumla. Badal min ism. En al ism, moufrad, el imtihad. Non. Thumma il a tibit par un sirem du Coran. Yes, elle ou naka an al shahri al haram, kital al nfi. Fahuna, il t'interroge sur le mois sacré, c'est-à-dire le combat. Lors de ce mois. Fahel, en al-Badel. En al-Badel, on a Qital. Qital, une fille, là. Il voit Badel de quoi? Le Shah de Haram. Non. Le Jumla. Mm-hmm. Al-Badal ou Qital Nfi. Qital Nfi. Deux. Al-Shah. Faut pourquoi il t'interroge de ce mois-ci. Mais la question c'est quoi? Le combat. Mm-hmm. Donc c'est la même chose tous les deux. C'est le même but qu'ils ont tous les deux. Fabien Yakul. Waman Yafal Zalika Yurko Asama Yudaf Laoul Azad. Et celui qui fait telle chose, cette chose-là, vous voyez, il sera jeté en tant que pécheur. Et le châtiment lui sera décuplé, dédoublé. Fauna, on veut. Yuda'af, ou Abadel bin Mada, Yulqa. Yalqa. Vous voyez? Yalqa. Et ça, c'est un Badel, comment tu vois ce que. Limada, Yudaf, là il est majzoum. Vous voyez, il est majzoum. Pourquoi il est majzoum? Avant, on a déjà fait le short, ou j'ai un beau short. Donc, ce troisième, c'est quoi? C'est que c'est le badal. Il aurait pu être naht, il aurait pu être un naht, martouf, mais il ne l'est pas. Donc, en fait, là, il est badal. Il a fait le short, ou main yafali. Parce qu'il y a un shot. Ou un shabab shot, il y a le corps. Là, ça joue bien les compétences à la base. Et là, on a encore Yuda'af qui vient, qui m'a zoom. Et il n'y a pas de Hafa'af. Donc il est badel. Il y a le corps. Zuma Fazina Kul, Amaddakum bima ta'amaloun, Amaddakum bi an'am wa badin. Fauna, le badel, il est où? Ça, c'est les deux phrases entières. Amaddakum bima ta'amaloun. Ça, c'est une jumla. Et Amaddakum bi an'am wa badin, c'est badel, cette jumla-là. C'est deux jumla. Voilà, deux jumla, et ça sera un badel coup d'une coule. Wa rabian, afarayan zuruna ila l'ibili kayfa khulikat. Ne voit-il pas la chamelle, comment elle a été créée? Fauna, qui fait choulikot, badel de l'ibil. Non, de l'ibil. Là, c'est une jumla sur un mufrad. Vous voulez dire qu'aussi, un genre de badel, c'est celui qui vient après un ism mu'arraf qu'il faut l'aide, bab, ism shara. Non. Et ça, c'est un badel kud min kud. Hada rajul, مثلا, ja hada rajul, c'est un badel kud min kud. Hada ou rajul, nafsu. Tamam. يقول الأحروف المشبهة بالفعل les lettres qui ressemblent au verbe لماذا سميت مشبهة بالفيل؟ لأنها تنصب وترفع. كالفيل، الفيل يرفع الفاعل وينصب المفعول وغيره. هذه الحروف كذلك تعمل العمل، عمل النصب والرفع، تنصب الاسم وترفع الخبر. وهي إن وخواتها. قال هي ستة، وهي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. وقد مرت بنا بتفصيل. يقول إن وأن تفيدان التوكيد، معنى التوكيد. نحو إن الله شديد العقاب، فهنا إن اسم إن لفظ جلالة الله، وخبرها شديد. وأيضا واعلموا أن الله شديد العقاب، إذا شكوا الله يدعو شتمه. فهنا الله لفظ جلالة اسم أن والخبر شديد. والفرق بين إن وأن، إن في أول جملة، وأن قد يكون في وسط الجملة أو بعدها. أما المعنى سواء. ثم كأن تفيد التشبيه لو صنبه في قطوة عزم. نحو كأن العلم نور، فكم في نفسه فتنت بالمياه. فهنا العلم اسم كأن ونور خبر. قال وقد تفيد الظن، l'explication ou la pensée. Nahu kanani alifuk, c'est comme si je connaissais. Founa ism kanna wa ya mutakallim wal khabar jumla fi'liya alifuk. Thumma lakinna, lakinna tufidu al-idrak, le fait de comment dire, doter yani toi tu vas penser une chose, tu veux déduire une chose selon des signes, des indices, mais on sait ce que tu as pensé, c'est pas la bonne chose. Donc on va corriger avant que ça arrive. Bah, ils ont fait tel marna, un chien. Salen, Hamidul Dakiyun, Walakin Naou Kaslan. Hamid est intelligent, cependant il est fainéant. Si on te dit Hamidul Dakiyun, tu t'imagines qu'il est mouchtaïd. Souvent. Une fois que tu t'imagines ça, tu te dis Walakin Naou Kaslan. Ah, cependant il est fainéant. فهنا الشاهد لكنه كسلان، فالها هنا اسم لكنه وكسلان خبر. ليت تفيد التمني، لو فات ديزيام شوز دور امبوسيبل. نحو ليت الشباب يعود، دوماج كو لا جينيس نو روفيان ولاس. هنا الشاهد الشباب اسم ليت ويعود جمله فعليه خبر ليت. ولعل تفيد الترجي والإشفاق والتوقع أيضا الإسبوار أو لا كم دون شوز. مثلا تقول لعل الله يغفر لي، يسبك الله مفعلا. هنا الشاهد لفظ جلالة الله اسم لعل ويغفر، هذه جملة فعلية في محل رفع خبر. كما تقول لعل الجريح يموت، يعني je crains que le blessé ne meure. هنا معنى الإشفاق، جزء كتير. يقول تدخل هذه الأحرف على المبتدا والخبر، وترسب الأول وتسمى ويسمى اسمها اسمها، وترفع الآخر ويسمى خبرها. donc elle rentre ces lettres rentrent sur le mutada et le khabar, il y a des jumelles ismiya et elle transforme le mutada en ism et le khabar en son khabar. مثلا الله غفور، هنا لفظ جلالة مبتدا وغفور خبر. تقول إن الله غفور، فالآن أصبح لفظ جلالة اسم إن وغفور خبر إن. طيب وأحكامها، أحكامها نفس أحكام مبتدا وخبر في التقديم والتأخير والمعرفة والنكرة، نفس أحكام، نفس أحكام. من أحكام اسمها وخبرها يجوز أن يكون اسمها نكرة، نحو كأن شيئا لم يحدث، سيكون كان قصير. وخبرها كان خبر مبتدا إما مفرد وإما جملة وإما شبيه بجملة. Ce khabar, il est comme le khabar de Jumla Ismiya. Ce khabar, c'est les mêmes règles que le khabar de Jumla Ismiya. Il peut être Mufrad, il peut être Jumla, Ismiya ou Fialia, ou Chib Jumla, Zar ou Jamal. Neuf ce chèque. Le Falen, Inna Allah Sadi'u al-Hisab. Fauna, Inna khabar Inna. سريع سريع واسم مفرد ان الله يغفر الذنوب جميعا يغفر جمله فعليه ان الله عنده علم الساعه ان الخبر عنده ظرف شبه جمله نفس الشيء ثم يقول لا يجوز تقدم خبرها عليها. Il n'est pas permis de faire devancer son khabar sur elle. Voilà, il a dit sur le harf. Voilà la ismiha. Il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a Et tu ne dis pas non plus « Inna ghafurun Allah ». Tu ne dis pas ça. Mais il y a juste « Takaddum al-khabar al-ism »« Mishurut »« Mishurut takdim al-khabar al-mutada » C'est le jumla ismiya. Il y a un khabar al-shadir al-jumla. Mathalan. Alors, il y a un petit peu d'abstila. Il y a un « Aujawaz utawassut khabariha bayna wa bayna ismiha idha kana al-ism ma'alifa wa al-khabar » شبه جملة كما قلنا في الاسم إلى معرفة اسم خبر شبه جملة tu peux le faire devancer مثلا إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم فهنا شاهد إيابهم إيابهم معرفة هنا كيرا معرفة ولكن إلينا جعلناهم قبلهم وهو خبر إنا وكذلك علينا حسابهم إن علينا حسابهم فهنا حسابهم معرفة نكرة معرفة وقدمنا علينا فهذا متى إذا كان خبر شيء بجملة يجوز تقدير كائن نعم نفس الأحكام هذا يجوز c'est permis que tu fasses devancer خبر sur l'ism si jamais c'est un chiffre jumla ou alors c'est يذكر الوجوب ça peut être obligatoire maintenant أن تقدم الخبر الاسم متى إذا كان الاسم نكرة si l'ism est نكرة يجب أن تقدم يعني non ça c'est pas sûr pareil c'est pas obligatoire pareil ouais mais c'est pas obligatoire lui-même il a donné un exemple avant comprenez ce qu'il dit là mais ça veut dire quoi il dit inna ladayna ankala ça c'est quand inna ma'a al-usri yusra ça yajib en fait quand je vois ce qu'il veut dire yajib il dit que l'ism nakira ou al-khabar chib jumla. Mais c'est pas un chiffre jumelé, c'est pas obligé. Regarde, juste avant, il a dit quoi? Il a donné un exemple, il a dit كَأَنَّ شَيْئًا لَمْ يَحْدُثْ. On le voit, on l'a. La surface, c'est avec. شَيْئًا مَا لِكُنْ أَكِرَا أَكِرَا مَا قَدِّمَا عَلَيْهِ الْخَبَرَ معنى كلمة شَيْئًا نَكِرَا. Donc là, يجب فقط بشرط أن يكون الخبر شبه جملة. ويقول يجوز دخول دون الوقاية على إن وأن وكأن ولكن. Tu peux mettre une وقاية. C'est même nous qu'on trouve sur un verbe. Quand tu dis darabani, مثلا, نفس نون. Tu peux la mettre sur certaines de ces Akhrouf. Et donc, y a-t-il Zalika et Zakar et Zakar? On ne prend pas ce. Si, mais lui, il précise, comme aussi, que le Khabar soit Shibjumla. Yajib, Zakar et Ism Nakira, ou le Khabar Shibjumla. Yajib, en tout cas, Dima Ali. Fadakoul, Innani, ou Inni. Les deux. Innani, en fait, Annani, ou Anni. Ka'annani, ou Ka'anni. ولكنني ولكني يقول أما ليت فلا تغذف منها إلا ندورا فتقول ليتني c'est rare que tu enlèves le nom de ليتي ليتي مثلا c'est rare c'est arrivé mais c'est rare alors c'est تقول ليتني أما لعل فلا تدخل عليها إلا قليلا c'est le contraire tu dis لعل لعلني الأكثر تقول لعلي الأكثر تقول لعلي تقول ليتا لعل يسوبوز ليتا سي rare que tu mettes que tu le mettes pas le nom de Mekoria et لعل c'est rare que tu le mettes طيب ما بهذا كملنا الدرس وغزنا البدل اليوم هذا جم كيف في الجم أسماء الألوان والعيوب عرضنا بعض المصادر وعرضنا أحكام البدل وعرضنا كذلك الحروف المشبهة بالفعل أي إنا وخواتها نعم في سؤال طيب فعلى كل الحمد لله رب العالمين